savoir-lire, pour se fabriquer des histoires. C'est en tout cas ce que pense le petit Nicolas. À 7h47, quartier libre. Caroline Cartier. Lire ? Je sais pas lire, en fait. Parce que il faut être en CP1 ou en CP2 pour apprendre à lire, pour apprendre... Mais j'aimerais bien, mais je peux pas. Mais tu sais, dans ma tête, je me raconte plein d'histoires. Quand je serai écrire, je vais écrire des livres. Tu vois, j'invente, après j'essaye. Mais tu sais ce que j'écris ? J'écris mon cœur, tout, tu vois, des choses d'amour. Mais toutes les amoureuses sont amoureuses avec Louis. Louis, il est tellement joli que toutes les amoureuses viennent s'embrasser avec lui. Il change toujours d'amoureuse. Je sais pas comment il fait. C'est comme ça. Parfois on est beau et parfois on n'est pas beau. C'est comme ça la vie. On dirait que dans ma tête, on dirait que les filles m'aiment pas, on dirait. Parce que Margot, elle était amoureuse de moi avant. Maintenant, elle est amoureuse avec Louis. Et puis avant, j'étais amoureuse avec Talia et maintenant, c'est Louis. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Je leur dis des trucs gentiment et puis... elles me disent tout le temps... Je suis déjà mariée, je comprends pas. Hein. J'en peux plus. Je renvoie des livres. Le livre du petit Nicolas, ça marche pas, en fait. Alors j'essaye d'en envoyer des fleurs. Elle me dit c'est très joli, mais je suis déjà mariée. J'essaye de leur donner une fleur qui est tellement jolie, elle s'appelle Iris. Et puis je leur donne, et puis elles me disent non, tu la gardes pour toi, je suis déjà mariée moi. J'en peux plus. J'essaye tout. Je leur donne des mes jouets à moi, elles me disent non. En plus, c'est des jouets de souvenirs de mon grand-père, de ma grand-mère arrière. Et puis elles me disent non, garde pour toi, je suis déjà mariée. J'en peux plus. Un peu plus. Je sais pas. Je vais devenir un vaurien, c'est sûr. Il est extraordinaire, ce petit Don Juan. On est tous pliés de rire. Il a en plus absolument tout compris. C'était le petit Nicolas dans le quartier libre de Caroline Cartier.